Lorsqu'un panneau est implanté sur le même support que le feu, il existe des cas où l'on doit l'ignorer et des cas où il faut impérativement le respecter. Lorsque les feux fonctionnent normalement, on ne tient compte que du feu, y compris s'il est jaune clignotant en bas. En revanche, lorsqu'il est jaune clignotant au milieu ou éteint, c'est le panneau qui prime. Réponse A et C.